oui, c'est demain la journée mondiale sans tabac et nous nous sommes dit que vous ne seriez pas contre un petit coup de pouce pour écraser la dernière. Parce que si globalement la consommation de tabac est sur une tendance à la diminution en France, elle a subi une légère hausse en 2020 avec près d'une personne sur trois qui se dit fumeuse occasionnelle et une sur quatre fumeuse quotidienne. Avec un paquet à plus de 10 euros, des photos de tumeurs en gros plan, la généralisation de la vapote, que peut-on faire de plus pour réduire le nombre de fumeurs? Et qu'est-ce que cette plante fait à notre cerveau pour qu'il soit si difficile de s'en séparer? Tabac, l'écran de fumée, c'est le programme cancérigène qui est l'autre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour en finir, une bonne fois pour toutes, ou tout du moins essayer et en finir avec les idées reçues sur la cigarette et comprendre avec quelle perversité elle s'empare de nos cerveaux, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Laure Lefaou, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Société francophone de tabacologie, responsable de la consultation de tabacologie à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et Jean-Paul Tassin, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directeur de recherche émérite à l'INSERM. Alors, vous ne couperez pas à la petite question liminaire compte tenu toujours des enjeux autour du tabac, celle sur vos éventuels liens ou conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, notamment. Est-ce que je peux vous demander si vous avez des liens d'intérêts ou des conflits d'intérêts, Anne-Laure Lefaou? Écoutez, j'ai quelques conflits d'intérêts, mais très peu, puisque, j'utilise quelques topos que je fais pour payer des inscriptions à des congrès ou des posters pour mes étudiants. Voilà. Et on peut les trouver, comme toujours, oui. On va mettre le lien, puisque tous ces liens d'intérêts doivent être déclarés officiellement sur notre fil Twitter. Jean-Paul Tassin? Moi, je vous rassure, j'en ai pas. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Avant de plonger dans les affres du tabac et de ce qu'il fait à nos cerveaux et à nos corps, lui ne leur fait que du bien. C'est Antoine Beauchamp pour le Journal des Sciences. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Science, étude selon laquelle l'évolution des animaux sauvages est plus rapide que prévu. À quelle vitesse la sélection naturelle cause-t-elle des changements génétiques chez les animaux sauvages? Si cette question avait une réponse théorique depuis le début du XXe siècle avec le théorème fondamental de la sélection naturelle formulé par Ronald Fisher, on n'avait pas encore de réponse pratique. La faute à un manque de données de qualité et d'outils statistiques adaptés. C'est sur ces points qu'une équipe de chercheurs de l'Université nationale australienne à Canberra est intervenue. Cette équipe s'est posé la question de la capacité d'adaptation de 19 populations d'oiseaux et de mammifères sauvages, allant du cerf au babouin jaune du Kenya en passant par la mésange ou encore le campagnol des Alpes suisses. Et selon cette étude, de données génétiques massives relevées au long cours, la sélection naturelle causerait des changements génétiques chez ces populations d'animaux sauvages à un taux 2 à 4 fois plus rapide que prévu. C'est une surprise, puisqu'on estimait que l'évolution des espèces se faisait sur des temps bien plus long. Explication avec Timothée Bonnet, qui est chercheur à l'Université nationale australienne à Canberra et qui est l'auteur principal de cette étude. On a commencé par contacter tous nos collègues qui conduisent des suivis à long terme de vertébrés, essentiellement de mammifères et d'oiseaux. On a pas mal d'études qui ont été conduites sur plusieurs décennies, donc certaines commençaient dès les années 50. Et elles ont tout en commun, en fait, ces études, de suivre les individus dans les populations de façon très précise. On sait pour chaque individu quand c'est qu'ils sont nés, avec qui ils se sont reproduits, combien ils auront eu de descendance et quand ils sont morts. Donc ça nous permet d'accéder aux paramètres clés là-dedans, qui est ce qu'on appelle la valeur sélective. C'est la capacité à survivre et à se reproduire d'un individu. Nos résultats, c'est qu'on a estimé que pour chaque génération qui se passe, en moyenne, la sélection naturelle cause des changements génétiques qui augmentent la capacité à survivre et à se reproduire par, en moyenne, 18,5%, avec une valeur médiane de 10%. Et ça, c'est assez considérable. Ça veut vraiment dire que la sélection naturelle en elle-même cause des changements importants dans la nature de ces animaux sauvages sur le court terme. Ça veut également dire que l'évolution en réponse à la sélection naturelle serait en principe suffisante pour expliquer l'ensemble des changements de traits qu'on observe dans la nature. Je suis pas en train de dire que l'évolution est le seul mécanisme important, Mais en tout cas, c'est un mécanisme maintenant qu'on ne doit plus négliger. Alors pourquoi c'était surprenant? C'est parce que théoriquement, on s'attend à ce que une population qui a passé un certain temps dans un habitat donné va être adaptée à son environnement et donc ne plus évoluer par sélection naturelle ou de façon très minime. Donc on s'attendait à trouver un taux de changement génétique en réponse à la sélection naturelle qui était très faible, de l'ordre de 1 ou 2% par génération. Évidemment, les activités humaines et le changement climatique en particulier sont des explications assez intuitives auxquelles on a pensé, bien sûr. C'est tout à fait plausible, mais en l'état actuel, on n'a aucune donnée qui nous permette d'identifier les causes fondamentales de cette sélection naturelle qui cause ces changements génétiques qu'on a observés. Voilà, et vous pouvez retrouver le lien vers l'étude publiée dans la revue Science, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans The Journal of Clinical Investigation, on comprend mieux comment le cœur se répare après un infarctus. Oui, les auteurs de cette étude se sont penchés sur les macrophages, ces cellules capables de détruire les bactéries ou de déclencher des réactions inflammatoires. Alors, si certains macrophages sont nuisibles et agissent sans trop de discernement, là, d'autres sont utiles. Et selon cette étude, ces macrophages utiles se précipitent vers le cœur après une crise cardiaque pour manger les tissus endommagés ou morts et produire un type de protéine baptisée VEGF. Qui déclenche la formation de nouveaux vaisseaux lymphatiques et favorise la guérison. Ce résultat ne concerne pour l'heure que des souris. De futures études chez l'humain pourraient aider à augmenter le nombre de ces macrophages afin d'accélérer la guérison après un infarctus. Une étude parue dans la revue Fertility and Sterility met en avant les réussites de naissances issues de congélation d'ovules. Oui, ces 40 dernières années, l'âge du premier enfant n'a cessé de reculer pour les femmes dans les pays occidentaux. Problème, la qualité et la quantité des ovules sont susceptibles de diminuer avec l'âge, ce qui peut conduire à l'infertilité ou à des résultats de grossesse défavorables. Pour pallier ce risque, de plus en plus de femmes se tournent donc vers la congélation d'ovocytes. Selon cette étude qui porte sur 543 femmes nord-américaines ayant congelé leurs ovocytes à l'âge de 38 ans ou moins, 70% d'entre elles qui les ont décongelés dans un délai moyen de 4,2 ans ont eu un enfant. Ce pourcentage est nettement supérieur à celui des patientes qui ont utilisé des ovocytes ou des embryons frais pour une fécondation in vitro, puisqu'en moyenne 30% d'entre elles sont tombées enceintes et 20% ont eu un enfant. Et enfin, on a appris la triste nouvelle en début d'après-midi. L'orque qui s'était égarée dans la Seine et qui a fait les gros titres d'après ce week-end est morte. Oui, et c'est l'association Sea Shepherd qui a trouvé le cadavre du cétacé dans la Seine aujourd'hui. Cette femelle orque était bloquée dans un estuaire du fleuve depuis plusieurs jours. Après des tentatives de sauvetage, l'orque allait être euthanasiée du fait d'un état de santé qualifié de critique par les biologistes et les vétérinaires. Le corps de l'orque sera remorqué pour que soit réalisée une autopsie visant à établir les causes de l'errance et de la mort de l'animal. Et merci beaucoup Antoine, à demain pour le prochain journal des sciences. Ces dernières années, le tabac fait globalement 6 millions de morts par an, ce qui devrait nous conduire, tout cumulé depuis le début de la généralisation du tabac comme produit de consommation courante à la fin du 21e siècle, vers le milliard de morts humaines. En moyenne, un fumeur sur deux meurt des causes de son tabagisme, et la moitié de ces décès se situe entre 35 et 69 ans dans cette population. Si on regarde juste les chiffres qui concernent les hommes, un décès sur trois est imputable au tabac. Aujourd'hui, le paquet est donc au-dessus de 10 euros, noir, couvert d'images horribles et de messages d'alerte. Mais si globalement la quantité de fumeurs est en diminution constante depuis les années 90, il vient de remonter pour l'année 2020, avec en moyenne une personne sur trois fumeuse occasionnelle et une sur quatre fumeuse quotidienne. Alors pourquoi, eh bien, n'arrivons-nous pas collectivement et individuellement à nous débarrasser de ce poison qu'est le tabac? On ne pourra pas dire que c'est par méconnaissance de la toxicité du produit. Écoutez ce qu'en dit dès 1969 le secrétaire général du Comité national contre le tabac. Le tabac est très dangereux et il traduit à mon avis une véritable maladie mentale. Car le tabagisme n'est pas autre chose qu'une toxicomanie et ce sont les mêmes mécanismes mentaux que les toxicomanies graves à l'héroïne, à la morphine ou au hashish. Si on considère avec bénignité le tabac, c'est parce que le tabagisme est tellement répandu qu'il a la majorité des gens. En réalité, le tabagisme suppose déjà qu'on abandonne sa volonté et qu'on devient esclave d'un besoin. Il faut rompre totalement et d'un coup, par un effort de volonté qu'on peut aider par divers moyens physiques et surtout par la psychothérapie et surtout aussi par le fait de mettre au courant le public des dangers terribles du tabac, non seulement au point de vue physique, car certaines maladies comme les artérites des membres inférieurs sont dues au tabagisme, donc il faut faire une propagande et un effort de diffusion pour que le public soit vraiment au courant des dangers du tabac. Voilà, Henri Baruc, secrétaire général du Comité national contre le tabac. On est en 1969, à l'époque, Jean-Paul Tassin, où la France est encore très majoritairement fumeuse et beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est une question. C'est un commentaire sur ce. Non, mais sur ce. On a tendance à penser que la conscience des dangers du tabac est assez récente. On voit qu'elle remonte déjà un petit peu. Oui, elle remonte. Ben oui. Puis il y a eu cette étude extraordinaire des Anglais qui ont montré qu'effectivement le cancer du poumon existait chez les. Vous savez, c'est une étude qui a été faite avec des médecins et ils ont demandé à tous les médecins s'ils étaient fumeurs ou non et quels étaient les types de maladies qu'ils pouvaient développer. Et effectivement, le cancer du poumon est ressorti à ce moment-là. Anne-Laure Lefaou. Oui, tout à fait. Mais en cette étude britannique sur les British Medical Doctors, avec un suivi de 40 ans, c'était pas quand même diffusé à ce point-là en France. Hein. Les connaissances n'étaient pas aussi diffusées qu'à l'heure actuelle en langue française. Et on favorisait vraiment la consommation de tabac à l'armée, partout, puisqu'on possédait aussi la CEITA, et donc avec aussi un bassin d'emploi qui supposait que l'économie fonctionne. Donc on avait dans les hôpitaux, le personnel fumait devant les patients, donc c'est quand même pas si ancien que cela. CEITA qui est fondée en 1959 et qui était effectivement le service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, qui s'appelle aujourd'hui Altadis, c'est ça? Oui. Ouais. Et qui était surtout un monopole national. Ce qui est indéniable, en tout cas aujourd'hui, quand on compare à ces époques-là, la première loi contre le tabac, c'est la loi Veil, on est en 1976, donc la France avait pris pas mal de retard sur ces questions-là. Aujourd'hui, Anne-Laure Lefaou, on a fait des progrès, la tendance est plutôt bonne, il y a de moins en moins de fumeurs, mais on a le sentiment qu'on est quand même en train d'arriver à une sorte de plateau. Oui, c'est-à-dire que on a, comme vous l'avez dit, on a eu une période où très doucement ça a baissé, mais dans les années 2000-2010, ça a beaucoup augmenté, et on a aussi le phénomène de l'augmentation des conséquences maintenant à l'âge de 50, 60, 70 ans, de l'augmentation du tabagisme des femmes à la fin des années 60 et dans les années 70, avec des conséquences plus marqué encore que chez les hommes d'un point de vue cardiovasculaire et d'un point de vue pulmonaire, donc cancérologique. Donc c'est quand même des perspectives qui sont particulièrement défavorables d'un point de vue épidémiologique. Et le seul moyen de bloquer donc cette évolution, c'est d'encourager donc l'arrêt chez une population qui fume quand même beaucoup encore. On est après la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, et ensuite c'est nous comme prévalence dans l'Europe. Ça veut dire qu'on est encore un pays plus fumeur que la moyenne? Oui, beaucoup plus par rapport à nos voisins d'ailleurs qui nous environnent, on fume plus. L'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, on a donc une prévalence plus élevée. On discutera dans la deuxième partie de cette émission des moyens à déployer justement pour essayer de continuer à faire chuter le nombre de fumeurs. Et on parlera, et je serais curieux d'avoir votre avis, sur certains pays qui aujourd'hui décident d'interdire littéralement le tabac pour des personnes, pour des populations et des générations nées à partir d'une certaine date, et donc de se diriger vers des pays intégralement non fumeurs. On va y venir dans la deuxième partie, mais avant, on va essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile d'arrêter de fumer. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc du tabac et de ce qu'il nous fait au cerveau et au corps tout au long de cette heure en compagnie d'Anne-Laure Lefaou et de Jean-Paul Tassin. Peut-être, Jean-Paul Tassin, on peut commencer simplement à comprendre finalement pourquoi c'est si difficile par expliquer exactement ce qui se passe quand on fume dans notre cerveau et ce que sont les mécaniques qui nous rendent addicts. Tout dépend de quel niveau on se place si on veut faire quelque chose d'assez concret. C'est un peu difficile, disons. Bon. On a tous entendu parler du système de la récompense. Donc, le tabac stimule le système de la récompense. Donc, il y a formation d'un certain plaisir. Bon, c'est pas aussi simple que ça. En fait, il n'y a pas de relation directe entre le plaisir et l'addiction. Par exemple. Parce que sinon, on serait tous addicts à n'importe quoi. Aux fraises, par exemple. Exactement. Parce qu'on aime beaucoup les fraises, mais oui, pour autant, ça ne donne pas de comportement. Si vous prenez l'exemple du sexe, par exemple, qui en principe donne beaucoup de plaisir, ben vous avez un pourcentage d'addicts au sexe qui est extrêmement faible. Si vous prenez le tabac qui donne beaucoup moins de plaisir, vous arrivez à 27%. Donc, il y a 27% de personnes Personnes fumeuses qui deviennent dépendants. D'accord. Donc, si vous prenez la cocaïne, c'est 12%. Donc, c'est assez surprenant. L'alcool, c'est 6%, entre 2 et 6%. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par dépendant, justement? Quel est le seuil de dépendant? Comment est-ce que je peux savoir si moi ou si un tel ou une telle est dépendante au tabac, véritablement? Celui qui ne pense plus qu'à ça et qui ne peut pas s'en passer d'une façon générale. Bon, l'exemple type, c'est celui qui va sortir de chez lui un soir, il va faire 2 km à pied pour aller chercher un paquet de cigarettes parce qu'il n'en a plus. C'est le truc banal. Mmh. Mais c'est cette façon de ne pas pouvoir s'arrêter plus que... Ce qui signifie qu'il y a des gens qui sont fumeurs mais qui ne sont pas pour autant dépendants. Voilà, c'est clair. Il y a des gens aussi qui prennent de la cocaïne et qui ne sont pas dépendants, à la cocaïne. Mmh. L'héroïne, c'est pareil. C'est assez surprenant. C'est en fait, il y a des gens qui sont vulnérables et on commence à comprendre pourquoi, et des gens qui sont résistants. Mmh. Donc voilà. Alors le Faou. Oui, en fait, c'est vrai que sur peut-être nos 14 millions de fumeurs à peu près, on en a qui se lèvent la nuit et vous voyez bien que devant les bureaux de tabac, le vendredi soir ou le samedi soir, il y a des personnes qui attendent et qui vont demander où on peut trouver un bureau ouvert. Donc c'est organiser sa vie autour d'un produit et se lever la nuit pour fumer. Donc ça, c'est que ça concerne quand même plus de 5 millions de personnes en France sans problème, et ces personnes sont vraiment des personnes qui ont une addiction au tabac et qui sont vraiment totalement enchaînées, dirais-je. Un autre marqueur, c'est la première cigarette du matin. C'est un mauvais signe aussi. Si on fume très vite après le réveil, c'est pas bon signe. C'est qui fume très vite et puis qui a besoin de 2-3 cigarettes pour démarrer sa journée, ou 4 ou plus. Et ça se voit très, très fréquemment. Oui, non, mais bon, il y a un test qu'on appelle le test de Fagerström qui a 7 niveaux et qui vous permet de savoir si ou non vous êtes dépendant. Bon, effectivement, la première cigarette du matin est intéressante. C'était pareil avec le cannabis. Ceux qui commencent à fumer le matin du cannabis sont potentiellement des gens qui vont devenir dépendants ou qui le sont déjà. Alors, vous parliez, Jean-Paul Tassin, des circuits de la récompense. Pourquoi c'est plus difficile? Parce que, alors, on parle d'une molécule que tout le monde connaît à propos du tabac, qui est la nicotine. On dit que c'est la nicotine qui a un très très fort potentiel addictogène, qui est par ailleurs un poison. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche? En fait, c'est ça le problème, c'est ça la controverse. C'est que, a priori, c'est la nicotine. Bon, on se rend compte que si on travaille avec des animaux, eh bien, vous pouvez donner de la nicotine à des animaux, ils ne deviennent pas dépendants. Si vous leur donnez de la morphine, de l'amphétamine, de la cocaïne, ils deviennent dépendants extrêmement rapidement. Donc, il y a un problème. La nicotine seule ne marche pas. Mmh. Et ça, c'est un point qui est un sujet de controverse, mais qui a l'air d'être réel. Mmh. En fait, dans le tabac, il y a 300 produits. Hein, 300 produits plus les additifs. Et dans la fumée de tabac, il y a 3000 composants. Donc, en fait, le tabac, pour des raisons incroyables de la nature, a réussi à mettre dans le même végétal de la nicotine et les produits qui vont rendre la nicotine addictive. Et ces produits, ce sont des produits qu'on appelle des aldéhydes et qui sont des inhibiteurs d'enzymes. Alors, je veux pas être trop compliqué. Non, mais au contraire, c'est un peu, on est à la méthode scientifique, on peut rentrer un peu dans le détail. Non, justement, c'est intéressant de comprendre déjà, parce que, donc, vous parlez du système du plaisir. Oui. On peut appeler ça le système dopaminergique. Voilà. C'est la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Racontez-nous un peu, justement, quelle est la petite chimie qui se passe dans notre cerveau pour nous rendre finalement dépendants à ce produit qui, normalement, n'est pas ou peu addictogène. Alors, grosso modo, il y a 86 milliards de neurones dans le système nerveux central et il y en a environ 1 million, c'est-à-dire rien du tout, qui ne sont pas des neurones qui transmettent l'information, mais qui sont des neurones qui hiérarchisent l'information. Alors, parmi ces modulateurs, ce qu'on appelle les modulateurs, il y a la dopamine que tout le monde connaît, mais il y a aussi la noradrénaline et la sérotonine. Donc, c'est un trépied qui va intervenir. Or, la nicotine intervient sur ces trois systèmes de modulation. Mais elle intervient de façon assez faible et fragile. C'est-à-dire qu'il va y avoir des libérations de dopamine, un peu, très peu, un peu de noradrénaline, un peu de sérotonine. Ça suffit pas. Pour arriver à ce que la libération soit suffisante, il faut absolument que le système de dégradation de ces monoamines soit bloqué. C'est-à-dire que finalement, c'est que ces neurotransmetteurs restent plus nombreux et plus longtemps dans le cerveau pour produire plus d'effets. Exactement. Et donc, et ça, c'est ce qu'on appelle des inhibiteurs de des enzymes en question, inhibiteurs de monoaminoxydase. IMAO. IMAO. Mmh. Et donc, ces IMAO vont être indispensables pour que l'addiction se mette en place. Et il se trouve que justement, quand vous fumez, ben vous échappez des IMAO et que votre niveau de monoaminoxydase dans le cerveau, et ailleurs d'ailleurs, mais dans le cerveau, diminue de façon importante, de l'ordre de 60% chez les fumeurs. Donc, le fumeur est quelqu'un qui va se baisser ses monoaminoxydases, l'activité de ses monoaminoxydases, et par conséquent, lorsqu'il prendra de la nicotine, ça va être génial. Mais s'il ne prend que de la nicotine, il y a un problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, les monoaminoxydases reviennent à un niveau normal et la nicotine n'agit plus. C'est pour ça que les patchs ne suffisent pas. Anne-Laure Lefaou. Oui, alors c'est vrai, dans la feuille de tabac, il y a des IMAO. Puis il y a eu des essais randomisés faits par des Français d'ailleurs, Yvan Berlin, Jean-Paul Tassin Lagru, qui nous parlera de ces essais qui sont chez l'homme. Parce que moi, Chez Jean-Paul Tassin, on est en phase 2. Hein. Exactement. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Mais moi, c'est vraiment des essais randomisés chez l'être humain, avec des inhibiteurs de monoaminoxydase qui avaient une efficacité pour l'arrêt du tabac. Voilà. Donc ça, mais ce qu'on voit actuellement, on devient dépendant effectivement quand on a du tabac fumé avec des IMAO ou mâché éventuellement. Alors évidemment, ça va moins vite qu'avec la fumée du tabac qui va avoir une efficacité rapide. Mais aussi maintenant, on voit avec les nouveaux dispositifs de cigarettes électroniques jetables, les puffs avec des très fortes concentrations nicotiniques, on observe quand même que des jeunes deviennent extrêmement addicts sans fumer. Donc effectivement, c'est aussi des problématiques un peu nouvelles que l'on voit avec des concentrations mais extrêmement supérieures à ce qui est autorisé, 20 mg par millilitre. Ça c'est le maximum autorisé aujourd'hui en France. En Europe. Ouais. Voilà. Et donc ces nouvelles cigarettes électroniques là, elles ont un mécanisme qui font que on a comme un shoot de nicotine. Donc justement, c'est des questions un peu qui émergent et qui montrent que il peut y avoir plusieurs façons de devenir dépendant. Bien sûr. Et puis il faudra rajouter aussi à tout cela la dépendance sociale qui est évidemment très importante et l'image sociale du tabac, Jean-Paul Tassin. Évidemment. Puis on prend le tabac et finalement on commence simplement pour être bien avec les copains et on n'aime pas en général. Il n'y a pas de plaisir. La première bouffée, toutes les fumeuses qui se souviennent que la première cigarette c'est dégueulasse. C'est pour ça que c'est très fort. Alors que la première injection d'héroïne c'est extraordinaire. Voyez, donc c'est quand même très très différent. Il y a quelque chose de nouveau, de particulièrement. Bon alors pour la. Il y a une composante sociale qui est vraiment très très puissante. Qui est très puissante. Et puis, il y a toute cette interaction assez particulière avec ces trois systèmes de modulateurs dont je parlais. Ouais, ouais. Moi, je me souviens effectivement pour la mise vraiment en relief de cette dépendance sociale, d'un exemple que je trouvais vraiment très fort sur l'importance que le tabac a pris dans la société et dans les sociétés notamment occidentales dans le XXe siècle. C'est-à-dire quelqu'un qui expliquait, c'est Alan Carr d'ailleurs pour le citer, qui expliquait que même pour les enfants, en fait, c'est une drogue à laquelle on est déjà habitué à devenir dépendant avant même d'y avoir goûté, même dans une famille non fumeur, notamment par les exemples dans le cinéma qui disaient quand un personnage est condamné à mort, Fred Bocard. Voilà. Non mais on lui propose quelque chose, c'est une cigarette avant de mourir, ce qui est quand même un message extrêmement fort, c'est dire avant la mort, il pourrait demander, je sais pas, un plat végétarien, un rôti, faire du sexe, du whisky, une cigarette. Oui. Ça c'est tout de même très. C'est intéressant, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut les premiers fumeurs étaient probablement moins dépendants que maintenant. Maintenant, il y a eu un travail qui a été fait, qui a été réalisé par l'industrie du tabac, qui justement, sans le dire, s'est rendu compte de ces additifs qui étaient nécessaires. Et ils ont ajouté, et pratiquement maintenant, toutes les cigarettes contiennent des sucres, ou bien du miel, qui est un produit du sucre, du chocolat, de ce type de produits, qui sont soi-disant pour créer un bon goût, mais qui en fait fabriquent les fameux inhibiteurs de monoaminoxydase. Donc, sur les tests, on voit que ces cigarettes entraînent des addictions plus importantes que le tabac initial. Naturel. On va revenir sur cette molécule, la nicotine, qui est souvent considérée pour les fumeurs, les fumeuses ou ex d'ailleurs, qui passent à la vapote, disent bah, mais j'ai besoin de mon shoot de nicotine, dont on imagine qu'elle est censée réduire notre stress. Eh bien, en fait, c'est tout l'inverse. Bonjour Amel Boucherka. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce studio. Vous êtes rendu au laboratoire plasticité du cerveau du CNRS à l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, et pas particulièrement pour vous en griller une, mais pour comprendre ce que ça nous fait. Eh bien, je suis allée à la rencontre de Fabio Marti, maître de conférence à Sorbonne Université. Avec son équipe, ils ont montré que la nicotine inhibe et active de façon concomitante deux sous-populations de neurones. L'une ayant un effet positif de récompense qui pousse à la consommation, et l'autre ayant un effet anxiogène qui pourrait au contraire limiter le désir de consommation de la drogue. Le but de cette étude, c'était de relier deux effets opposés de la nicotine. Un premier d'un point de vue comportemental, parce qu'on sait que la nicotine produit des effets appétitifs ou renforçants, mais également des effets anxiogéniques, voire aversifs. Et on s'était aperçu en étudiant les neurones dopaminergiques du cerveau en réponse à des injections de nicotine, qu'on avait des neurones dopaminergiques qui allaient augmenter leur activité électrique en réponse à la nicotine, et d'autres, moins connus, qui allaient au contraire diminuer leur activité à la suite d'une injection de nicotine. Et l'idée, c'était d'établir un lien de causalité entre ces deux réponses électriques à la nicotine et ces deux effets opposés d'un point de vue comportemental. Et quel protocole expérimental avez-vous mis en place pour justement avoir ces résultats ? Alors, on a utilisé deux grands types d'expériences. D'abord, des expériences d'électrophysiologie in vivo chez la souris anesthésiée pour mesurer l'activité électrique des neurones à dopamine dans le cerveau. Et également des tests comportementaux pour mesurer les effets anxiogènes de la nicotine ou de modification de certaines voies neurales. Les expériences d'électrophysiologie in vivo, on les pratique sur une souris anesthésiée par phase gazeuse qu'on a fixée sur un cadre stéréotaxique qui nous permet de placer une électrode d'enregistrement dans des zones précises du cerveau, ici l'aire tegmentale ventrale où se trouvent les neurones dopaminergiques. Ensuite, on descend cette électrode dans le cerveau et elle nous permet d'enregistrer les variations de potentiel électrique et on repère un neurone par son activité électrique, donc de brusques changements de potentiel qu'on appelle aussi potentiel d'action. Et cette activité électrique, on la mesure et on regarde comment elle évolue lorsqu'on injecte par voie intraveineuse de la nicotine à la souris. Le but ensuite, ça a été de démontrer que ces deux types de neurones avaient des propriétés anatomiques et fonctionnelles différentes. Et pour ça, on a cherché à démontrer qu'ils projetaient leur axone dans des zones différentes du cerveau et qu'ils allaient donc libérer de la dopamine dans des endroits différents. On a pu mettre en évidence que les neurones qui étaient activés par la nicotine projetaient majoritairement vers le nucléus accumbens, alors que ceux qui étaient inhibés par la nicotine projetaient vers l'amygdale. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on observe sur l'enregistrement électrophysiologique ? Alors oui, là, vous avez l'activité électrique du neurone. Vous voyez qu'avant qu'on injecte la nicotine, il y a une certaine fréquence de ces potentiels d'action. Et celui-ci, à la suite de l'injection de la nicotine, il va augmenter le nombre de potentiels d'action qu'il émet par seconde. A l'inverse, cet autre neurone, vous voyez que ses potentiels d'action, leur nombre diminue au cours du temps après qu'on a injecté la nicotine. La conséquence de ça, c'est qu'au contraire, ce neurone, lui, il va libérer moins de dopamine au niveau de la région cible. Ce qui fait qu'avec un système de neurones à activité opposée comme ça en réponse à la nicotine, au moment où on va prendre la drogue, on va avoir à la fois une montée de dopamine dans le nucléus accumbens et une baisse de la dopamine dans l'amygdale. Et ces neurones inhibés, ça a été un résultat inattendu de les observer ? Oui, parce que en réalité, ça fait une dizaine d'années qu'on cherche à caractériser les effets appétitifs de la nicotine. Et il avait été déjà mis en évidence que les neurones qui s'active en réponse à la nicotine provoque une libération de dopamine dans le nucléus accumbens, qui est lié à cet effet appétitif et renforçant de la nicotine. Et lorsqu'on les étudiait, il nous arrivait d'enregistrer ces fameux neurones qui s'inhibent, mais à l'époque, on ne savait pas s'ils avaient un rôle fonctionnel, ni même s'ils constituaient une population de neurones spécifiques avec une fonction propre. Et ces neurones inhibés qui projettent dans l'amygdale, est-ce qu'ils ont une conséquence particulière sur le comportement des souris ? Alors oui, l'idée de l'étude, c'était de relier cette inhibition de la libération de dopamine dans l'amygdale à l'effet anxiogénique de la nicotine. Donc pour ça, on a testé l'effet anxiogène de la nicotine en l'infusant directement dans l'aire tegmentale ventrale pour démontrer que c'était dans cette zone du cerveau que l'effet était produit. Et pour tester cet effet anxiogène, on utilise un labyrinthe en cercle surélevé et on quantifie l'anxiété de la souris en mesurant le temps qu'elle passe dans les bras ouverts. Ici, on se trouve où exactement ? Alors, on est dans la partie du laboratoire où on fait les expériences de comportement avec les souris. Donc là, vous voyez que la souris, elle est dans ce fameux labyrinthe surélevé. Là, elle reste dans les bras fermés et lorsqu'elle arrive au moment du labyrinthe où les bras sont ouverts, elle va inspecter son environnement et s'apercevoir qu'il y a du vide et elle va avoir une tendance à rentrer dans les bras fermés ou à traverser très rapidement la partie ouverte pour venir se réfugier à l'autre bout du labyrinthe dans les bras qui sont de nouveau fermés. Quelle perspective de recherche ces résultats impliquent-ils ? Alors, nos recherches, elles démontrent que au moment où on prend de la nicotine, on va à la fois déclencher un effet renforçant, récompensant, appétitif, et en même temps un effet anxiogène. C'est-à-dire qu'on va avoir deux effets fonctionnels opposés sur le plan comportemental. Ce qui peut suggérer que ce qui va déterminer si la substance va nous plaire, si on va avoir une accroche à la substance, ce serait une balance entre ces effets positifs et ces effets négatifs. Voilà, pour tout savoir de l'effet justement de la nicotine sur nos cerveaux et sur les modèles murins, une réaction à ce que vous venez d'entendre, Jean-Paul Tassin. Oui, là je trouve que c'est une expérience qui est connue, hein, qui a été publiée récemment, qui est très intéressante, mais qui montre ce que fait la nicotine dans une petite zone du cerveau qui est le mésencéphale. Or la nicotine, quand vous la fumez, elle va partout. Et en particulier, elle va surtout, à mon avis, sur des neurones qu'on appelle noradrénergiques, qui eux sont activés comme des fous. Pas comme la dopamine qui est un peu activée, mais la noradrénaline est très importante. Et en fait, les résultats que l'on a maintenant montrent que c'est l'activation des noradrénergiques qui entraîne le phénomène dopaminergique. La dopamine est en fait le dernier maillon de la chaîne. C'est ça ce qu'il faut arriver à comprendre. Anne-Laure Lefebvre, une réaction à ce reportage aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez l'homme, en tout cas, ce qu'on observe dans toutes les études à long terme, hein, sur un an, sur les personnes qui ont arrêté de fumer, c'est qu'effectivement, on voit bien les niveaux d'anxiété s'abaisser très très de façon significative chez les gens qui ont arrêté de fumer par rapport à ceux qui n'ont pas arrêté de fumer. Donc c'est vrai que la perception peut-être immédiate d'un soulagement, c'est peut-être effectivement aussi le système noradrénergique qui est en jeu aussi de quand on a on perçoit on a une anxiété qui augmente, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, on a ces manifestations qui se produisent quand on fume, mais à l'arrêt du tabac on a vraiment une anxiété qui baisse et ça c'est quelque chose qui est perçu comme très positif par les personnes qui s'arrêtent. Donc c'est plutôt encourageant. Et Jean-Paul Tassin, ce qui est intéressant sur ce trépied dont vous parliez, système sérotoninergique, noradrénergique et dopaminergique, en fait c'est surtout ce que vous pointez dans les mécaniques d'addiction, et on va en reparler dans un instant pour l'éventualité d'un traitement, c'est une question de découplage entre le système de la noradrénaline et le système de la sérotonine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait pourquoi ce découplage en fait finalement serait le moteur principal de l'addiction ? Alors en fait chaque système a ses caractéristiques et les deux systèmes, noradrénaline et sérotonine, sont couplés, c'est-à-dire qu'ils réagissent mutuellement l'un avec l'autre. La noradrénaline est chargée de contrôler ce qui vient de se passer, tout ce qui se passe à l'extérieur, et la sérotonine, elle est là pour protéger le système nerveux central de ces événements extérieurs. Ouah ! Voilà, de temps en temps, je le fais parce que ça m'amuse. Excusez-moi. Ça, vous avez vu votre noradrénaline qui est partie comme une bombe. Ah oui, ça. C'est le sentiment dans le plexus, c'est d'accord. Ça. Je croyais que c'était l'adrénaline, ça. Bah, c'est la même chose. Mais dans le cerveau, c'est d'accord. Plutôt la noradrénaline. Ok. C'est bon. Et puis la sérotonine est là pour vous empêcher de sortir en courant. Elle est là pour vous protéger, okay. Si vous voulez. Bon, ces deux systèmes sont couplés. Mm. Et alors, la métaphore que j'utilise volontiers, c'est la noradrénaline, c'est le coureur de sprint, et la sérotonine, c'est le coureur de fond. Ils sont tous les deux liés par une ficelle, ils se contrôlent mutuellement. Au départ, c'est-à-dire lorsque vous prenez une drogue toxicomanogène, les deux se mettent à courir ensemble, et si vous reprenez régulièrement cette drogue, le lien qui les unit disparaît. Et donc, la noradrénaline se met à courir comme une dingue, le sprinter n'est plus rattrapé par le coureur de fond, qui lui court de son côté, plus rien ne marche, tout est désynchronisé. Et le problème, c'est que lorsque vous avez lorsque vous avez une idée ou une vision de type, disons, addictive, peu importe, eh bien, cette noradrénaline est activée de façon très importante, et c'est le craving, c'est-à-dire que c'est l'envie de prendre le produit. Et donc, cette envie de prendre le produit n'est plus contrôlée par la sérotonine qui devrait faire le boulot. Oui. Voilà. Eh bien, on va voir dans la deuxième partie de cette émission comment cette notion de découplage peut aboutir, peut-être en tout cas, à des recherches sur d'éventuels traitements. Et on va essayer de comprendre comment s'en sortir et pourquoi, maintenant que nous avons compris un peu mieux ces différents systèmes, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de s'arrêter de fumer? Pourquoi est-ce que encore une écrasante majorité des gens qui s'arrêtent de fumer rechutent assez rapidement? On en parle dans quelques secondes musicales. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. À m'en relever la nuit. Paquet plein de délices. Petit cylindre clair. Parfum d'or et d'épices. Et volutes et sorcières. Braise dans la nuit blanche. Espoir et allégresse. Noce et petit dimanche. Tiges enchanteresses. Sexe bleu, liqueur douce. Charme puissant mensonge. Ciel pâle, odeur de rousse. Énigmatique songe. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. À m'en relever la nuit. Aile de papillon, poudreuse et veloutée. Lisse et les grands pardons, riche et civilisée. Tour d'ivoire arrogante, et triomphe assuré. Renaissance troublante, en vol prématuré. Cigarette manquée, le rouge noir fatal. Cigarette jetée dans un puits de cristal. Je fume de Brigitte Fontaine à 16h40 sur France Culture parce que notre intention n'est pas de vous faire fumer mais plutôt d'essayer de contribuer à votre arrêt du tabac et de la cigarette en compagnie et grâce à Anne-Laure Lefavou qui est présidente de la société francophone de tabacologie, responsable de la consultation de tabacologie à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et Jean-Paul Tassin qui est neurobiologiste, directeur de recherche émérite à l'INSERM. Alors, On va parler très franchement, alors, enfin, on l'a dit tout à l'heure, la rechute, elle est de 85-90% pour la plupart des gens qui ont commencé à fumer, c'est très difficile. Alors ça dépend, hein. Si vous observez effectivement des personnes qui s'arrêtent sans rien, vont rechuter dans à peu près 90% à un an, même plus, 97% dirais-je. Donc le but c'est quand même d'essayer de leur proposer des solutions pour que la rechute devienne moins, qu'elle rechute moins. Alors effectivement, ça va pas forcément supprimer le fait que ça reste des personnes addictives. Et d'ailleurs, elles le savent. Si elles prennent une cigarette, elles vont tout de suite repartir vers une consommation. Mais ça, au moins, ça leur permet d'arrêter, si on les traite, leur consommation et d'avoir moins de conséquences pour leur santé, ce qui est peut-être le but recherché quand même chez l'individu. Bien sûr, mais quand on regarde les chiffres, alors effectivement, on fait redescendre un peu à 84%, avec de la nicotine, c'est en règle générale, le taux de rechute reste élevé même avec des suppléments. Le taux de rechute est assez élevé, mais on en a parlé tout à l'heure, il y a sûrement plusieurs mécanismes qui interviennent dans l'addiction au tabac. Et comme pour tout problème de santé, dirais-je, il y a plusieurs cibles potentielles. C'est surtout la recherche fondamentale qui permet de trouver éventuellement des nouvelles pistes thérapeutiques. Parce que sinon, effectivement, s'il n'y a qu'une piste thérapeutique, il y a les substituts nicotiniques. Il y a eu des essais sur des médicaments qui agissaient sur les récepteurs cannabinoïdes, mais ça n'a pas été développé plus avant. Il y a eu des essais randomisés, je vous disais, chez l'homme en utilisant des IMAO, qui n'étaient pas trop mal tolérés tout de même, dans les deux essais randomisés qui ont été publiés en 1995 et en 2002, ça date quand même. Mmh. Et ça n'a pas été développé par l'industrie. Mmh. Alors, peut-être, Jean-Paul Tassin, déjà, vous, avant de parler de votre essai clinique, comment est-ce que vous comprenez, vous, que ce soit si difficile et qu'on ait des taux de rechute aussi élevés pour le tabac précisément, parce que c'est nettement plus haut que le sevrage à d'autres formes de drogue, ou c'est pareil? Non, moi je ne suis pas complètement convaincu par les 97% que vous annoncez. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent et qui s'arrêtent sans rien, mais qui ne vont pas à l'hôpital. Donc en général, les taux sont étudiés à partir de populations hospitalières, souvent. Enfin, des gens qui vont consulter un addictologue, qui vont dire j'aimerais bien m'arrêter, j'y arrive pas, etc. Bon, je fais partie des gens qui sont des 3% qui seraient arrêtés. J'ai arrêté il y a 20 ans et j'ai pas recommencé à fumer. J'ai beaucoup de voisins qui l'ont fait aussi. Donc, bon. C'est un chiffre qui me paraît très élevé. Alors, c'est un chiffre qui vous paraît c'est élevé. C'est un héros. Mais 97%, ça veut dire que ceux qui s'arrêtent seraient des gens exceptionnels. Oui. Ce que je ne crois pas que ce soit le cas. Bon, enfin, peu importe. Faute d'études suffisantes pour pouvoir avoir des chiffres. Alors, l'idée de fond, c'est que actuellement, bon, si on prend la nicotine plus les IMAO, théoriquement, on va fabriquer ce qu'on appelle un produit de substitution. Substitution, ça veut dire qu'on va remplacer le tabac par quelque chose qui ferait la même chose, mais qui serait moins toxique. Et ça, on n'en a pas besoin, puisqu'on va maintenir l'addiction. Donc cette addiction, le cerveau va continuer à être addict. Si vous prenez la méthadone pour l'héroïne, vous avez le même phénomène. Donc simplement, comme la méthadone est moins toxique que l'héroïne, c'est mieux de prendre la méthadone. Ou le Subutex, c'est la même chose. Donc ce que nous, on a cherché à faire, et c'est ça, peut-être, vous ne l'avez pas encore posé la question, mais je vous réponds. Je vous en prie. Ce qu'on a cherché à faire, c'est modifier, non pas de créer une substitution, éviter la substitution, mais faire disparaître le craving. Le craving, c'est ce qui vous pousse à prendre. Or, d'où vient le craving? C'est le fait que les deux systèmes dont je vous parlais tout à l'heure ne communiquent plus. Ils sont devenus sourds mutuellement l'un à l'autre, et ça, et techniquement, ça s'explique en disant que les récepteurs à la sérotonine qui contrôlent la noradrénaline sont désensibilisés, et que les récepteurs à la noradrénaline qui contrôle la sérotonine sont désensibilisés. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est à resensibiliser ces récepteurs. Et donc on a fabriqué un cocktail, ce qu'on appelle un cocktail, de deux produits qui sont là pour resensibiliser les récepteurs. Et si je me permets de vous raconter cette histoire, c'est parce qu'effectivement, on l'a fait pour l'alcool, pour l'instant, et la phase 2, c'est-à-dire la phase chez l'homme, s'avère positive, c'est-à-dire on a eu un taux d'arrêt d'alcoolodépendants très important. On ne l'a pas fait pour le tabac, on l'a fait pour l'alcool. Mais on est chez l'homme et l'hypothèse de ce découplage qu'on va essayer de reverser a l'air de tenir pour l'instant. Anne-Laure Lefavou, sur la recherche clinique, sur le fait que on a plusieurs fois proposé justement de l'accompagnement médicamenteux, je pense évidemment à la varenicline, mais qui est très très contesté pour ses effets secondaires importants. Comment se fait-il qu'on ne trouve pas, compte tenu des enjeux de santé publique que ça représente, finalement justement une molécule, parce que c'est pas assez financé, c'est parce qu'il y a trop de dépendance, trop d'influence des lobbies du tabac. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ce tabac? C'est possible parce qu'il y a quand même très peu de médicaments disponibles. Vous évoquez la varenicline. C'est vrai que c'est un médicament qui a été assez décrié, mais qui finalement, il y a eu beaucoup d'essais randomisés chez les patients psychiatriques et puis chez les patients aussi atteints de maladies cardiovasculaires pour voir si finalement s'il y avait des problématiques d'effets indésirables graves. Et ça n'a pas été le cas. Pour le moment, elle n'est préconisée que pour les gens qui sont à très haut niveau de dépendance tabacologique. En France, oui. En France, après échec des substituts nicotiniques. C'est une molécule qui vient de l'acacia, hein, le citise, le petit arbre qui devient jaune au printemps. Et donc, il y a une molécule qui s'appelle la citisine. Et on s'est aperçu donc en 1945, quand à ce moment-là encore l'armée rouge progressait vers l'ouest, que les soldats mâchaient ce produit et ces petites branches d'arbres et n'avaient plus envie de fumer. Et donc ça s'est fabriqué en Europe de l'Est, encore, ça s'appelle encore comme ça, donc en Bulgarie, et là par exemple... C'est aussi le récepteur nicotinique à l'acétylcholine et c'est ça concerne une sous-unité donc spécifique et là aux États-Unis cette molécule a été un peu modifiée, c'est la citisiline. Et donc ça semble avoir donc les premiers résultats d'un essai randomisé ont été publiés chez l'homme. Donc là vous parlez d'une nouvelle molécule. Alors oui, en fait la citisine ça existe depuis donc le second conflit mondial et la varenicline c'est une forme synthétique de citisine. Qui est commercialisée sous le nom de Champix au Champix ou Champix qui en ce moment est en rupture en France. Mais vous voyez, l'important, c'est quand même qu'il puisse y avoir des opportunités, que des laboratoires se lancent dans des recherches cliniques aussi. Parce que chez l'animal, il y a des résultats. Chez l'homme, c'est important d'avoir de nouvelles molécules. Toute l'histoire, finalement, des médicaments, c'est de trouver de nouvelles cibles. Et c'est un enjeu considérable dans le domaine du tabac. La varenicline, c'est typiquement aussi l'ambition de cette molécule, c'est de couper le craving. Oui. C'est pas un mécanisme de substitution, non? Non, c'est de couper l'action de la nicotine. Ah oui, de couper l'action de la nicotine. Sur les récepteurs alpha 4 bêta 2 de la dopamine. D'accord. Je voudrais faire un commentaire. Bien c'est sûr. Que pour arriver à une faire, on avait donc cette hypothèse des deux systèmes qui ne se parlaient plus pour les retrouver. On a donc développé le médicament. On a cherché des crédits pour faire une phase 1, une phase 2. On est allé voir différentes personnes, y compris dans le gouvernement. Et ce qu'on nous a dit, parce qu'on a dit que, étant donné que c'est une théorie, ça marche pour l'addiction, donc ça peut marcher pour le tabac, ça peut marcher pour l'alcool. Eh bien, on nous a dit que le tabac, c'était pas très intéressant. En revanche, l'alcool, c'est intéressant. Alors pourquoi ? Parce que l'alcool, la violence, les accidents de voiture, etc., il y a énormément d'éléments sociétaux qui sont dramatiques avec l'alcool, qui n'existent pas avec le tabac, et du coup... Lorsqu'on a eu le choix entre le tabac et l'alcool, on nous a dit allez, on vous donne de l'argent pour l'alcool. Malgré le coût social du tabac, c'est-à-dire en tout cas le traitement des cancers, le coût que représentent les traitements. Mais c'est moins important, semble-t-il, après les. Alors quand même, les économistes, ils ont quand même fait des calculs. Donc c'est quand même 120 milliards d'euros de coût social et l'assurance maladie compte tenu de. Finalement aussi des conséquences de l'épidémie, c'est quand même pas à court terme c'est quand même pas un enjeu économique si faible, à mon avis. Non, mais je pense que plus faible que l'alcool, c'est ça. Non, mais l'alcool a un coût social aussi très élevé, oui, une mortalité. Oui. C'est pas une compétition entre les deux. Non, bien sûr. En l'occurrence, oui. Mais... Et puis 80% des personnes qui ont une alcoolodépendance fument. Mm. Donc il faut aussi se poser ce genre de questions, à mon avis. Mm. Alors du coup, si j'ai bien entendu ce que vous disiez l'un et l'autre tout à l'heure sur la dépendance au tabac et la nicotine, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, Jean-Paul Tassin, les patchs à la nicotine, les gommes, les vapotes avec de la nicotine, finalement, ça ne sert pas pour s'arrêter ? Alors soyons clairs, c'est-à-dire que lorsque vous êtes un fumeur, que vous avez une baisse de vos monoaminoxydases de 60%. Des MAO. Et que vous prenez de la nicotine, ça va marcher, puisque vos monoaminoxydases sont très basses, puisque vous êtes un fumeur chronique. Sauf que ça va pas marcher longtemps, ça va marcher pendant le temps où les monoaminoxydases vont rester basses et elles vont remonter doucement puisque vous prenez plus d'IMAO. Mmh. Et donc au bout de 3 semaines, des inhibiteurs. Oui, vous ne prenez plus d'IMAO. Oui, c'est ça, des inhibiteurs de monoaminoxydase. Pardon, excusez-moi. Non, pas de problème. Et quand vous regardez les courbes, vous voyez qu'effectivement les 3 premières semaines sont assez positives et que s'il y a un décrochage. Alors ce décrochage est un peu, il est pas systématique, mais il est important. Et ce qui m'a beaucoup énervé il y a une certaine époque, c'est que les gens qui prenaient des patchs à qui on disait c'est un substitut, tout va bien se passer. Il se voyait au bout de 3 semaines avoir envie de recommencer à fumer en ayant des patchs. Et alors il se disait, mais vraiment, je suis foutu. Et il fallait leur expliquer que non, c'était pas de leur faute. C'est parce que le traitement ne convenait pas parfaitement. Alors très souvent, effectivement, même si les patchs ne sont pas suffisants, ils aident quand même pas mal de personnes à ne pas fumer. Au début, qui sont les premiers jours les plus difficiles. Oh non, il faut les traiter quand même à suffisamment longtemps parce que ils ont quand même des craintes de prendre du poids, des craintes de pas être suffisamment qu'ils perçoivent comme une aide, par exemple aussi en association à des substituts oraux pour certains moments de la vie quotidienne, après le déjeuner ou quand ils doivent travailler. Pour casser les associations qui appellent la cigarette. C'est comportemental, oui. Mais oui. Ça les aide. C'est de craving. C'est voilà. Ça, vous avez l'association qui va déclencher la recherche. Donc ça peut quand même les aider. Et c'est quand même le patch seul est insuffisant dans les articles. C'est vraiment l'association de deux formes de substitution nicotinique pendant un temps suffisamment longtemps, au contraire, pour les aider à maintenir l'arrêt. Mais alors parmi les nombreuses choses, parce qu'on lit aussi beaucoup de choses et beaucoup de choses parfois contradictoires sur le tabac, j'ai lu notamment que la nicotine finalement avait une demi-vie très courte et que on s'en débarrassait très rapidement. C'est-à-dire que finalement, on n'avait plus de nicotine dans le sang au bout de 72 heures. Or, 72 heures, ça, oui, largement. Non, mais oui, largement. Oui. Non, mais ce qu'on a dit pendant un certain temps, c'était que c'était le pic de nicotine qui était important. Le pic de nicotine, parce qu'il était mesuré dans les artères. Donc, quand vous prenez une bouffée de tabac, vous avez un pic de nicotine qui va durer 6 secondes, très court. Et donc, c'était ça, soi-disant. En fait, quand on a regardé dans le cerveau, on s'est aperçu que ce pic n'existait pas dans le cerveau. C'est une montée régulière du niveau de nicotine. Et effectivement, quand ça redescend, peut-être que à ce moment-là, on peut recommencer. Mais le pic, la notion de pic qui fait du bien, est une erronée. On a dit beaucoup de choses sur la nicotine, en particulier, qui sont discutables sur le plan scientifique, à mon avis. Mais alors justement, donc ça veut dire que la nicotine disparaît très très vite de l'organisme, on n'en trouve très vite plus aucune trace, oui, elle est éliminée rapidement. Elle est éliminée rapidement, bien sûr, heureusement d'ailleurs. D'organisme artériel, mais au niveau du cerveau, elle va rester, c'est un peu une éponge, si vous voulez, qui va garder quand même la nicotine. Mmh. Vous parliez, vous évoquiez Anne-Laure Lefavou, et c'est aussi une des grandes craintes des personnes qui essayent d'arrêter de fumer, c'est la prise de poids aujourd'hui. C'est causal, on se rend compte que le fait d'arrêter de fumer provoque une prise de poids, ou est-ce que pour le moment, c'est des corrélations qu'on n'a pas tout à fait réussi à mettre face à face comme étant l'une provoquée par l'autre? Les fumeurs, ont moins de par leur tabagisme, ont un poids de l'ordre de 3 à 4 kilos inférieur au poids finalement qu'ils auraient s'ils étaient non-fumeurs. Donc c'est vrai que lors de l'arrêt du tabac, ils auraient quand même tendance à prendre des pulsions sucrées, ou ça dépend des individus, mais sucrées. Et du coup, c'est vrai que c'est très très délicat pour eux d'affronter à la fois un arrêt du tabac et une crainte de prise de poids. Et quand même si ça traite pas l'addiction, le fait de pas consommer de tabac et de parvenir à l'arrêt et de gérer des moments un peu difficiles avec des substituts oraux et un patch, ça, c'est quand même un résultat qui est perçu par la plupart des personnes comme étant un succès, et qu'on maintient quand même quelques mois de façon à changer aussi certaines habitudes de vie. À ne pas grossir, ce qui est très important pour beaucoup. Oui, je crois que le tabac augmente le métabolisme de l'organisme. Donc quand vous fumez, vous consommez de l'énergie, vous maigrissez tout simplement. Si vous arrêtez, vous avez ce risque. Bon, en plus, il y a beaucoup de gens qui, comme c'est un acte oral, vont essayer de compenser ce manque oral en prenant des bonbons et en mangeant un peu plus. Donc effectivement, c'est assez logique d'obtenir une augmentation de poids. On voit de plus en plus de pays qui passent à l'étape supérieure, je pense notamment à la Nouvelle-Zélande, et qui décident qu'à partir de telle date, la consommation et l'achat de tabac est interdit. Et donc avec, à terme, d'ici 30, 40, 50 ans, la possibilité ou la perspective de se retrouver avec un pays intégralement non-fumeur. Est-ce qu'il ne faut pas, pour aider les gens, prendre des décisions fortes comme cela et dire « on arrête, c'est fini, stop ». Pourquoi pas ? En fait, à partir du moment où vous avez une interdiction, j'allais dire le surmoi, que vous avez une interdiction qui vous dépasse et que de toute façon c'est comme ça, ben finalement c'est plus facile. Dans les cinémas, le fait qu'il soit interdit de fumer dans un cinéma, plus personne ne fume dans les cinémas. Ou dans les trains, les très dépendants. Alors, il y en a certains pour lesquels c'est extraordinairement difficile. Un Paris-New York pour un dépendant, ça peut être très très dur. Mais malgré tout, avec ces patchs, effectivement, il arrive à passer la pilule, si je puis dire. Oui, enfin, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ce sont des pays où... Je ne crois pas que l'Australie soit engagée sur cette voie-là. Non, mais ils sont à 12% de fumeurs. Ce qui est très bas. Oui, donc vous voyez, si vous voulez, ils sont dans une perspective d'interdiction, qui est respectée aussi, mais c'est aussi culturel. Nous, on a pas mal de textes en France qui sont vraiment promulgués, mais déjà pour les jeunes, l'interdiction de vente aux mineurs n'est pas respectée, du tabac. Donc c'est vrai que l'interdiction, elle est plus souple, dirais-je. Dans les pays comme la Nouvelle-Zélande, si c'est interdit, c'est strictement interdit, vous voyez. Donc, avec des sanctions possibles, crédibles, dirais-je. Donc, ils en sont à un niveau très, très différent par rapport à la France. Aux États-Unis, ils fument peu, également avec des interdictions très contraignantes, donc ça fonctionne. Mais c'est vrai que là aussi, ils voient des dispositifs qui administrent de la nicotine chez les jeunes. On voit des différentes cigarettes électroniques aussi qui vont délivrer des concentrations très élevées de nicotine et a priori qui les rendent dépendants. On peut se poser aussi la question des conséquences. C'est-à-dire que si vous interdisez le tabac, qu'est-ce qui va le remplacer ? Et ça, c'est une question à laquelle nous ne répondrons pas aujourd'hui, parce que nous n'en avons pas la réponse. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci à Anne-Laure Lefavou, Jean-Paul Tassin, d'être venus nous parler du tabac. Demain, donc, est la journée internationale sans tabac. Peut-être une occasion pour certains d'entre vous, d'arrêter, de décider, de laisser de côté la cigarette. C'est tout le bien qu'on vous souhaite. La méthode scientifique, c'est Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandra Delbo, Noémie Aguette-Saint-Vulfranc, Amel Boucherka, Hélène Trigueros, décidément, ça veut pas aujourd'hui. Hélène Trigueros à la réalisation, Jacques Azubert à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France. Et on réécoute sur franceculture.fr. Et c'est à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.